en faveur de la déclaration commune du ministère de la Sûreté nationale, du ministère de la Sécurité du Peuple et du parquet central de la République populaire démocratique de Corée. Tous les militaires et civils coréens expriment chaque jour leur volonté de châtier sans merci la traîtresse Park Geun-hye et la bande de Lee Byung-ho, ex-chef de l'Agence nationale de renseignement. Kim Chang-sook, chef de département du ministère de l'Industrie ouïghoure, a dit qu'au moment où les impérialistes américains se démènent frénétiquement pour empêcher le progrès de notre République par les embargos politico-économiques et pressions militaires sans précédent, la traîtresse Park Geun-hye et la bande de Lee Byung-ho ont dressé un plan d'opération secret pour un acte terroriste d'État contre notre direction suprême et qu'ils payeront cher d'une manière la plus tragique leur crime ultra-géant visant à supprimer le pilier de notre vie. Choi In-chol, ingénieur en chef de l'usine d'acier de Pyongyang, Choi Ge-song, enseignant de l'école supérieure technique de l'économie de Pyongyang, Park Song-se, fondeur de l'atelier d'acier du complexe d'acierage Cholima, et Kim Yong-bo, présidente du comité de gestion de la ferme maraîchère de Mangyongdae de l'arrondissement du même nom, ont souligné qu'on ne peut jamais pardonner ces criminels de terrorisme d'État ultra-géant qui ont conspiré contre notre direction suprême sans se contenter de toute manœuvre pour l'unification de régime, et qu'il faut arrêter et condamner à la peine capitale tous les organisateurs et complices du complot, comme l'indique la déclaration commune.